Numéro 52. 52 cartes pour jouer à la libération de la femme. Allez les têtes, c'est moi qui ai la main. On joue carte sur table. Mais que nous veut la reine, sire? Je n'y comprends goutte, fidèle Lancelot. Eh oui, Charles, eh oui, Lancelot. On fait moins les fiers, pas vrai? Enfin, mon argine, pourquoi nous avez-vous attachés? Que dis-je, de plastique emballé tel un paquet neuf? Parce que comme ça, vous ressemblez à la paire d'andouilles que vous êtes. Qu'avez-vous fait de mes camarades Hector, Laïr et de ce pouilleux d'Augier? À la pioche, Lancelot, à la pioche. Ils ne me sont d'aucune utilité. Vous, au moins, vous pourrez plaider ma cause à la table ronde. Mon argine, avez-vous fait de même pour les seigneurs César, Alexandre et David? Tu parles, Charles. Et Dame Rachel, Judith et Pallas. Jetez, mon Charles, jetez. Plus de concurrence. Et les 40 autres, ma reine? Écartez, Lancelot. Mais enfin, pourquoi, mon argine? Pourquoi nous mettre au tapis? Pourquoi nous détenir ainsi saucissonnés sous un plastique emballage? Pourquoi nous séparer du paquet? J'annonce la couleur. Pour défendre la condition féminine. Pop, pop, pop, pop, vous êtes complètement cinglette. Expliquez-vous, mamie. Toujours perdante face au mâle couronné. Toujours en bataille face à leur femme. Toujours belote et jamais rebelote. Vous trouvez cela juste, Charles? Alors pourquoi me rouleau de printaniser moi, puisque je suis votre inférieure systématique, ma reine? Point toujours, mon cher Lancelot. Vous avez la mémoire bien courte. N'est-il point de jeu où votre valeur dépasse la mienne de 17 points? J'appelle le chien. Votre chien est crevé, Charles. Parole, j'appelle la garde. Retournez, Charles. Votre garde est contre vous. Oui, Lancelot. Aidons-nous l'un et l'autre. Débarrassons-nous mutuellement de ce cellophane qui nous emballe. À vos ordres, mon roi. Lancelot, vous me mordez douloureusement le gras du bide. Je fais de mon mieux, mon roi, mais le préservatif qui vous entoure résiste à mes répétés assauts. Bravo, mon cher Lancelot. Voici enfin nos capotes d'emprisonnement éclatées. Vite, soyez mon atout à trèfle et corrigeons cette reine. Coupe franche, poignée, coupe sèche. Mystère. Je me couche. Cela suffit-il, mon roi? Il me semble que cette carte est bien battue, en effet, mon bon Lancelot. Aïe, vous m'avez écorné. Bien fait pour ta gueule.